Je crois qu'on pèse, frère. Affirmatif, y'a. Fini d'hiberner une latte et on part. Les yeux collés, café noir, tard. C'est juste pour garder mon calme. Je muscle mes poumons avant mes pecs. T'es marrant, laisse-moi cramer de la weed sale en graillant mon kef. T'as cesse de m'importuner. Genre t'as capté que dalle à nos phases à croire qu'on les rappe en portugais. On les présente mon frère. Dès qu'il s'agit de se mettre bien, je tiens la route même en renversant mon verre. Les yeux rougis comme un panneau stop, mon dicton c'est passe le feu, speak, on soit plus vite, fonce D. J'plie les faces B pour tutoyer les montagnes. Veux peser deux fois le poids d'une baleine avant de clamser. Fini d'hiberner, maté des séries ibériquaines. J'gravis chaque millimètre, apprécie l'éclat. Le jour me recouvre, yes. Je garantis l'effet de style quand j'ai passé 10 semaines à vivre assis. Direct, j't'avertis, j'ai la flemme, j'tousse beaucoup. J'mets brouet, flair, l'air, j'parcourir, prends la laisse du chien. J'découvre des espèces, j'ai le tournis, j'pense qu'à me faire du bien. J'me remémore que l'automne nous a trop fait défaut. J'sors, snob, l'ego moche, n'ose approcher les autres. Au final, j'traîne en ville, descends, j'te calcule au virage. On customisera des sandwichs et teasera des clans vis présentes. Rimes faites sans stress, des pitchs, les samples. J'déride les grands-pères, les petits se détendent, il est temps de suivre l'exemple. Fini d'hiberner, il faut qu'on sorte à l'air libre. En été, j'suis ouvert, en hiver, j'agis comme un ermite. Fini d'hiberner, sorti fraîchement de tes enceintes, tapement ça. Les problèmes ne durent qu'un temps, donc je vais vivre l'instant. La liberté de prendre l'essence interdit. En été je suis ouvert, en hiver j'agis comme un ermite. Fini d'hiberner, sorti fraîchement de tes enceintes, tapement ça. Les problèmes ne durent qu'un temps, donc je vais vivre l'instant. Fini d'hiberner, douche chaude, j'bouge de ma tanière. Les bails froids, assez glauques, les sales passent, arrivent à terme. L'air frais, chasse la misère, pas de pitié. J'espère aviser, car je vois le ciel gronder. Mais bon, j'ai pas pris l'averse. Quoi que je fasse à vivre, l'envie de m'impliquer, c'est facile à faire. Suffit de dire, nique sa mère. Si tu vois ton voisin tricher, il est l'heure d'avancer seul, qu'on puisse respirer, s'enfuir, mais rimer, enduire mes idées, virer de vie pour un empire. J'agis jamais par mimétisme, en transit j'm'ennuie. Tranquille, j'me sens speed rempli quand le feed est vite fait. Ça rappelle la classe primaire, j'glisse. Nique l'inertie, tu sens que c'est juste en concurrence pure qu'on glisse des disquettes. Les beaux jours reviennent, je peux dormir le zob à l'air. Fini la flotte, la grêle, les grosses averses, c'était chaud. Donc fallait que ces choses la cessent. C'est en short et chaud, c'est Jojo. Fumant, j'ai un Jogo de popo que mes potes s'amènent. L'hiver, on a habité les studs. Nous écrivions et tirions sur des millions de pilons pour fabriquer les scuds. On a maîtrisé le sujet, pisté les ruses de ceux qui matent mal. Prends-moi au Mad Mars, on ride Jeep, c'est Lexus. En hiver, j'y perds, j'vois même pas un bout de rue. J'm'y mets, j'écris des milliers de mixtapes dans un bunker russe. Que l'été arrive vite, il me facilite la vie, je me sens moins coupable quand je me lève à 18h. Hey. Fini d'hiberner, il faut qu'on sorte à l'air libre. En été, je suis ouvert, en hiver, j'agis comme un ermite. Fini d'hiberner, sorti fraîchement de tes enceintes, tapement ça. Les problèmes ne durent qu'un temps, donc je vais vivre l'instant. La liberté de prendre l'essence interdit. En été, je suis ouvert, en hiver, j'agis comme un ermite. Fini d'hiberner, sorti fraîchement de tes enceintes, tapement ça. Les problèmes ne durent qu'un temps, donc je vais vivre l'instant. Fini d'hiberner, cet hiver, j'ai pas vu un chat. Le vent de liberté me charme, j'oublie que mon état fut instable. Je vais voir les quais où marchent les passants, un son dans le casque. J'achète des sables de marque pas loin des quartiers gays. Comme un pinceau, je remonte le boulevard. Le temps d'un bout de trajet, contemplant tous les bars de la rue du départ ou de Madeleine. Un mur ensoleillé, adossé, tiens ma billère. Plus grands sont mes rêves dans cette atmosphère printanière. Une jolie beauté m'a rejoint, j'ai dit est-ce qu'au moins t'es majeur. Le temps de retirer mon joint, elle m'a dit mon grand t'es mon genre. Tu veux rencontrer ma gorge, j'ai dit non merci ma grande. Maintenant tu m'excuseras, j'ai un micro-test qui m'attend. Fini d'hiberner, je sors de mon terrier avec la tête en vrac. J'admets traîner un taux de paresse assez invasif. Et moi passer mon temps maigri, même prisonnier pris au piège par mes problèmes. Je ris au nez des normales saisonnières. On inaugure la nouvelle saison dans les rues de la ville. Mon stylo plume approuve cette session sans le mercure gravir les échelons degré par degré. Mec t'on laisse mes aiglons manœuvrer dans ce question réponse pour toi ça sera plus facile. Donc écoute ce que je me tue à dire, j'ai plus de salive à force d'arpenter la street. Plus tard nous serons la preuve que la chance a changé la vie. Si on réagit à temps oublie le pourcentage au keuf. Check on prend de la hauteur pour ver ce qui dégage l'échappement. Sorti fraîchement de tes enceintes, tapement simple.